Essayez de ne pas renverser l'alcool. Et ça, c'est un conseil qui va à tout le monde. Il faut toujours essayer de ne pas renverser l'alcool. Je suis content de voir que ça commence à se remplir pour 70% et la soirée. Ceux qui l'ont vu sur l'événement, on a un disque dur externe qui contient à peu près 30 000 clips, des courts-métrages de 0 à 15 minutes. C'est un petit peu toute la collection de l'organisme et ça me fait très plaisir de donner un backup à quelqu'un. Sinon, ben, faut être déguisé pour l'obtenir. Et le tournoi, en fait, la compétition va se faire tantôt vers 22h. Sinon, ben, on est en train de, voilà, s'installer tranquillement pour un 70%. Ce soir, on est très content pour le visionnement douteux d'accueillir notre ami Simon Préjean qui s'en vient nous faire vivre sa, comment on pourrait appeler ça, sa fête préférée. Et où on a aussi un invité, là, c'est Jean-Philippe Douchemeister. Il nous amène de l'ébola là pour tout le monde. Ça se partage bien, il paraît. Donc, allez pas trop loin, on commence 70% dans quelques instants. De tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast en ik was er de eregast. Oh, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula. Wat zal er straks op tafel staan? We dronken eerst een knekelwijn, naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula. Wat zal er straks op tafel staan? Simon Préjean, est-ce que tu me reçois, Simon Préjean? Je te reçois, Tommy Godet. Je suis très content de faire encore une soirée de pestac avec toi, mon ami. Allô. De toute beauté. Ben en fait, on est en train d'écouter la trame sonore de Kid Icarus, un vieux jeu de NES qui a été refait en version du futur. Sinon, ben voilà, je suis prêt pour commencer 70%. On est prêt? Tout le monde est prêt? Ouais. Ça me sent... Est-ce que vous êtes prêt par là-bas? C'est bon, il garde le... il écoute, c'est bon. Donc, voilà. Merci, vous êtes en direct du brouhaha pour un autre 70%. Soixante-dix pour cent. Ah, ce sacré Danny Daniel Gabriel, sûrement une de mes tunes thèmes de 70% préférées. On commence à en avoir assez pour que j'en aille comme un ordre. C'est très difficile à établir. Il y en a vraiment beaucoup. Bonsoir tout le monde, chers collaborateurs de droite à gauche, un petit peu de n'importe quelle manière. Je vais présenter notre invité, hein, Jean-Philippe Descarry-Mathieu. Bonsoir. Comment ça se passe? Ah, j'ai l'Ebola. Ben oui, on a entendu dire ça. Non, tu l'as déjà. Non, non, il n'y a pas de danger, c'est un tout petit Ebola. Oui, c'est un Ebola d'homme, en fait. C'est ça, un Ebola d'homme. Ton ton de la grippe. Donc, t'es ici pour partager avec nous... L'Ebola. Oh, des opinions controversées. Et moi, et voilà. Non, non. En tout cas, hein, on va parler Facebook un petit peu dans l'émission. Il est fermé ton Facebook d'ailleurs. Ouais, encore. Pour la 12e fois. T'as-tu le record? J'ai le record incontesté au Québec de suspension Facebook. S'il y a un contester, quelque part, un contender, whatever, en tout cas, il va que t'appelles ça en bilingue. Levez-vous! Et parlez, sinon taisez-vous à jamais. Là, tu veux dire, là, t'es en train de flasher le fait que toi es 12 fois dehors de Facebook. Moi, ce que j'admire, c'est ta persévérance, pareil. C'est vrai. J'arrête pas. D'aucun aurait comme été faire autre chose, mais toi la page... Comme un cave, je persiste. La prochaine étape, c'est être suspendu sur MySpace. Ouais, ça va être difficile, il n'y a plus grand monde là-dessus. Hein. Merci beaucoup d'être avec nous pour un 70% merci. Des plus magiques et uniques. Sinon, ben, on a là-bas Toto Lavigne, Antoine Lavigne, toi aussi, t'as été frappé par l'Ebola? Je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai, mais j'ai des douleurs à la jambe, et je suis sûr et certain qu'il y a un complot djihadiste. Et voilà. L'important, c'est de viser gros, comme ça, après ça, tu peux dire j'y avais pensé au départ. Sinon, Camo, voilà. T'es comme déguisé en Camille de Street Fighter 2. Ouais, mais ouais. Masculin. Masculin. Moi, je pensais que c'était Astérix. Ouais, il y a aussi. Moi, j'aurais pu faire Alex de Street Fighter, mais j'allais pas me mettre en torse nu. Ouais. J'allais pas me mettre un One Piece de Camille avec la non, mais anyway, c'est à la radio, fait que tu peux dire que t'as ouais, tout ben, ça. Ouais, j'ai la craque, tout le monde voit mes fesses. Ouais, t'as des hanches d'enfer. Il est heureux, il est à l'aise, tu fait nous parles de quoi ce soir? Ben, des valeurs louables hein, qu'on aime tant, puis je vais faire un retour sur quelque chose que j'ai déjà passé ici au début, là. Pas les beaux là, toujours? Non. OK. C'est mon dossier, ça. Andy, en manchette ce soir? En manchette ce soir, une cheminée, une pub dérangeante, un go-go boy nain, un combat judiciaire d'envergure, un mari très chrétien, un village inutilement sec et un vol unique. J'ai hâte que ça débouille tout ça. On a bien sûr notre français de secours, Simon Cussonnet, sympathique. Salut. Rectal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à un vétéran de la guerre américaine de me parler du Comic-Con de Québec. Quoi? Nice. C'est pas lourd. C'est en train d'arriver. C'est un sujet original. Semble j'ai lu de quoi là-dessus. Francis Ouellet, ça ressemblait à ça aussi, son affaire aujourd'hui. Il parlait de floppy pis tout. Là. T'étais-tu impliqué? De flop? Et voilà, non. D'où tu restes loin de ça. On va voir dans l'émission. Hein? Sinon, ben Mathieu Boudreau, t'as l'air souriant, j'aime ça. Ouais, ben c'est pas pire. Je suis déguisé en homosexuel. Nice. Excellent déguisement. Hein, ça se voit, c'est clair. Et voilà. Merci. Donc, oui, c'est vrai, c'est le visionnement de l'Halloween. Comme j'ai mentionné tantôt, on a un concours de costumes. Ça va se passer vers 22h, mais il y a un disque dur externe avec tous les clips de l'organisme parce qu'on a vraiment une volonté, nous, à douteux.org, de partage, d'open source. Et c'est quelque chose qu'on est très content de faire, de se faire un backup comme chez quelqu'un d'autre. Ouais. Sinon, ben... je pense que j'aime ça de plus en plus. Peux-tu me faire un réveille-toi, brother? Ça, s'il te plaît, sors-en quand c'est pas pertinent, hein? Merci. Ouais, ça, ouais. Sinon, voilà, on en a parlé tantôt. Il y a VJ Simon Préjean qui est avec nous pour la soirée. C'est le spécial de l'Halloween. Moi, avant de nous saucer dans le 70% qui s'en vient jusqu'au coude, je voulais mentionner le fait que sûrement tout le monde ici connaît, mais à quel point l'Halloween, faut le remercier. À quel point sans l'Halloween, là, ça serait Noël bien avant. Oui, l'Halloween, là, je vois ça comme une digue qui retient la magie de Noël. Puis à un moment donné, ça déborde dans les magasins tout d'un coup. En une nuit, ils payent tout le monde extra parce qu'il faut rentrer. Demain, ça nous prend les boucles. En tout cas, l'important, c'est la magie. Hein? C'est comme ils l'ont dit dans les... dans les shows parodiques de la vie américaine. On se lance tout de suite dans une première toune. Aujourd'hui, pour mettre entre les gens, j'ai décidé de y aller avec Zombies Ate My Neighbor. C'est un excellent jeu vidéo et j'adore toutes les tounes de ça. Des petites tranches. Bonjour, ici Andy en remplacement de Bruno Corbin. On commence. Les pompiers californiens ont extrait lundi passé une jeune femme d'un conduit de cheminée dans lequel elle s'était glissée pour pénétrer dans la maison d'un homme qu'elle avait récemment rencontré sur Internet. Tu l'as fait la semaine passée, celle-là? Oui, oui, oui. T'as la bourre, mec. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à ta place. C'est Toto. Ouais, c'est un Américain. Ah, j'ai pas concerté. J'écoute pas l'émission. On peut l'aller pareil. C'est pas le job. Non, mais en fait, on va avoir confirmation. Ben, je vois. Brique par brique, les sauveteurs ont démantelé le conduit de cheminée dans laquelle la femme est restée coincée pendant plus de 5 heures, 2 mètres plus bas, selon la chaîne de télévision locale KTLA. Un voisin de Thousand Oaks, une banlieue au nord-ouest de Los Angeles, a raconté comment les pompiers, alertés par des pleurs, avaient travaillé toute la nuit sur le toit de la maison avant de pouvoir libérer cette femme à l'aube lundi. Nous avons lubrifié le conduit de cheminée avec du liquide vaisselle afin de remonter la jeune femme, a expliqué la capitaine des pompiers Mike Lindbury sur son compte Twitter. Le propriétaire de la maison, qui a refusé de donner son identité pour des raisons obscures, a indiqué à la chaîne KTLA être sorti plusieurs fois avec Genoveva Nunez Figura, 30 ans. Illégal. Oui, sûrement. Après avoir fait connaissance sur un site de rencontre, elle semblait carrément cool jusqu'au jour où je l'ai retrouvée sur mon toit il y a 2 semaines, a-t-il dit. J'espère qu'on va l'aider. J'espère qu'elle va arrêter les sites de rencontre. Mais on devient vite addict à ça. Ça va vite. Ça va très vite. Tu commences avec un, tu te ramasses avec 12. Ben oui, c'est ça. On y va avec la prochaine. J'espère que tu n'en as pas parlé de celle-là. Plus de 500 automobilistes ont été victimes d'une publicité attrayante à Moscou, en Russie. Une trentaine de camions dont les parois étaient couverts de la photographie d'une poitrine féminine ont circulé dans la ville... Ouais, c'est ça. Dans la ville russe. Les seins étaient cachés légèrement par un bandeau turquoise sur lequel il était écrit « Ils attirent ». J'ai été happé par la voiture derrière moi qui a dit que j'étais distrait par le camion, a avoué un des 517 automobilistes touchés par ce marketing de l'agence Sarafan Advertising. OK, tu veux dire que les paires de totons faisaient que les gars regardaient et il y avait des accidents. Il y a eu 517 accidents. Ouais, mais faut y aller tranquillement. Quand tu lui donnes trop de liberté dans ces pays-là, vite, c'est ça, ça fait. Faut y aller tranquillement. C'est exactement ça. Ouais, OK, ça me va. Plusieurs, on a une hypothèse. Plusieurs conducteurs furieux ont demandé à l'agence de publicité d'obtenir des compensations financières à la suite de ces accidents de la route. Dans tous les cas d'accident, les propriétaires des véhicules vont recevoir un dédommagement de notre part pour ce qui ne sera pas couvert par leur assurance, a soutenu un porte-parole de l'agence selon le Daily Mail. L'agence Sarafan Advertising a voulu tester l'effet d'une publicité placée sur les côtés d'un camion. C'est un nouveau format de publicité. On encourage les entreprises à placer leur annonce sur les côtés des camions. Mais c'est aucune nouveauté. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Peut-être en Russie. Là, ah, ouais, OK. Parce que comme il dit, la liberté, il coûte à la liberté. Ils ne sont pas habitués. Nous voulions attirer l'attention sur ce nouveau format. Je pense que c'est réussi. A dit un porte-parole de l'agence. L'agence souhaitait recruter de nouveaux clients en démontrant l'efficacité de ce type de publicité. On lui souhaite prompt rétablissement. Ben dans le fond, eux autres, on s'en crisse de l'agence. Le problème, c'est que le monde, il n'y a pas Internet, ce que je comprends. C'est pas clair. Là. Ils ont peut-être jamais vu des saints là-bas, je sais pas. Ben, il y en a deux par fille d'habitude. Là. Ouais. Ils sortent de chez vous. Je suis jamais sorti avec une Russe. En tout cas, je sais pas si c'est mieux que le gros pénis qui avait été dessiné en avant des locaux du FSB en Russie pour faire chier. Là. Il avait fait ça sur un pont, puis quand que le pont s'érigeait, il y avait un gros pénis qui apparaissait. Nice. Je sais pas si ça a causé des accidents, mais c'est semblable. Une petite dernière pour ce premier bloc. On y va pour une petite dernière, vite. Une future mariée espagnole a joué de malchance en ayant une relation sexuelle avec l'effeuilleur de sa bachelorette party de qui elle est tombée enceinte. Quelques jours avant son mariage, la jeune femme de Valence a décidé de fêter avec ses amis. Il semble qu'elle ait succombé au charme du strip-teaser de petite taille qui a dansé pour le groupe de filles, rapporte le quotidien basque El Correo. La belle avait bien sûr caché son infidélité à son époux. Même ses meilleurs amis n'avaient pas été informés, mise dans la confidentialité. La jeune Espagnole a dû avouer son aventure après que son échographie a révélé que l'enfant naît était atteint d'achondroplasie, qui serait de petite taille à l'image de son géniteur, selon El Correo. L'histoire ne dit pas comment le mari de l'infidèle a encaissé le choc de la nouvelle. C'est bon. Il y avait le nain. Il a encaissé pas de dire non. Il y a un nain, câlisse. En tout cas, ben... Hein? On souhaite la bienvenue à ce petit nain dans ce monde. C'est n'importe quoi. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Merci. Il ne manquait pas mon prochain spectacle. Ben oui, ça va être lui, juste après une autre petite tranche de Zombies Ate My Neighbor. Manger de la merde aussi. Là, je tiens à revenir ma dernière intervention, là, c'est-à-dire manger tous de la marde. Sachez hein, que c'est plutôt une métaphore. Hein. Ce n'est pas à prendre au premier niveau. Salut, Tommy. Salut, Mathieu. Ouais. Hey, attends un petit peu. Hey, c'est Mathieu Boudreau, tout le monde. Ouais. Non, ben, ferme ta Mathieu gueule, c'est Boudreau. Pas avec ta mère. Ouais, c'est Mathieu ça. Boudreau, comment ça se passe? Ben, en fait, cette semaine, j'aimerais revenir sur mon intervention de la semaine passée. Ouais, t'as de l'air mieux pas mal, hein? Ouais. J'avais dit, si le gouvernement arrêtait de jouer à risque avec notre argent, ben, peut-être que le Canada serait pas en train de devenir une cible potentielle pour le terrorisme. Vois-tu, Tommy, où je veux en venir? Toi, tu veux nous parler des terribles événements du... J'écoute. Wow. Tommy, je déduis le futur. Wow. On a une business, là, Mathieu. C'est ça. Et ne déduis pas le futur qu'il veut, Tommy. C'est à peu près les mêmes lettres que druide aussi, des druides. Ouais, j'aime ça. J'y avais pensé quand je faisais des anagrammes. Tommy, il faut l'outil de base pour déduire le futur, c'est-à-dire le pouvoir de déduction. Hein? Et moi, j'ai demandé ça à ma fête de 12 ans. Bon, physiquement, là, dans le concret, j'ai eu une craie. Wow. Une belle craie bleue. C'est... avec un « tu dessineras ce que tu veux, Calice ». À la craie. Voilà. Mais outre un 1 000 $ de plus chez ma psy, je veux dire, spirituellement, j'ai demandé d'accepter les choses qui arrivent, hein, d'être réceptif à ce qui m'entoure, c'est-à-dire la bonté, le don de soi et la flexibilité. Oh! Ben, selon ma psy, parfois le chemin est chaotique. Ah, fait qu'après avoir souhaité la déduction, j'ai passé 21 ans de ma vie à contribuer activement à la destruction du vivant. En général, hein? Oh oui, D'une simple bagarre avec un aigle en passant par le meurtre préventif, Tommy. Le meurtre préventif. Ouais, ouais. C'est la plus large définition. Ouais, le meurtre préventif, pour ceux qui se demandent, ça concerne les scientifiques qui pensent que la gratuité peut exister en ce bas monde, hein? Ha ha ha, rire de théâtre. Ou pour les candidats potentiels à la succession d'un État ou d'un pays, hein, qui voudraient rompre un accord important ou faire leur zozo, check, je suis là. Hein? Je comprends. Voilà, bon. Le changement, c'est bien, mais pas tout le temps. Genre à la vitesse que quelqu'un veut que ça y aille. Puis ben, pour ce qui est se battre avec un aigle, hein, je pense que tout le monde a l'image, là. Il y a une cage, tout, et puis un aigle, tu sais. Puis la cloche sonne, puis c'est le premier qui reste vivant. Avec le recul, Tommy, c'est sûr que je regrette ça. Il faut pas que tu tues ça à un aigle, t'sais, c'est en voie de disparition. Ben ici, oui, là, clairement. Voilà. Non, mais c'est vrai, il en parle partout. Aux États-Unis, là, à part dans un zoo à tête blanche, t'en vois pas nulle part. Ah. Bon, c'est à cause de la chasse, ça, de la chasse aux sorcières, Tommy. J'aime le combat dans la cage, tout d'un coup. J'en ai fait quelques-uns. Anyway, j'ai fait des erreurs, Tommy, j'ai fait des erreurs. Le gars, là, qui avait découvert une source non polluante puis gratuite d'énergie, là, ben, après mûre réflexion, j'en ai déduit que j'aurais peut-être dû le laisser aller se cacher avec sa source d'énergie. Mais tu sais, comment est-ce que c'est, hein, dans ce temps-là? T'es jeune, t'es fringant, plein d'ambition. Tu veux faire tes preuves, tu sais? Écoute, je l'avais crissé dans sa machine à énergie, man. Gros coup de poing, tu l'aurais vu pogner en feu. Et ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Il y a juste lui qui a pogné en feu. Tout autour, lui, il se garochait partout, aussi. Brûlait, juste lui qui a brûlé. Un peu comme une combustion spontanée, tu sais. Mais Mathieu, est-ce que tu es en train d'avoir comme des remords? T'es-tu encore dans ta phase de changer pour devenir meilleur? Ouais, je suis dans une phase de changement, Tommy. Ça, c'est. Ouais, ça, j'aime ça, que tu vives ça avec nous comme ça. C'est pour. Je vais en parler aux gens ici. C'est important. Faut pas que tu gardes tout ça pour toi. Non, ça, c'est sûr. Non, ça, faut pas que je garde ça. Est-ce que la machine du gars existe encore? La machine du gars existe quelque part dans un entrepôt, l'entrepôt 13. Non, mais c'est la saison des séries télé, là, faut pas se mentir. Bref, combustion spontanée, le gars tombe en cendre, et puis je l'ai ramassé très, très, très facilement avec sa propre petite balieuse maison, Tommy. Ça a tellement eu l'air de faire mal, mais regarde, un vrai charme à nettoyer, qui peut s'en plaindre? Bon. Bref, ce que j'essaye d'expliquer, je sais pas si... Je te suis, moi. C'est que ça m'a pris du temps à comprendre que pour atteindre le pouvoir de déduction, hein, fallait que j'arrête de tuer pour me concentrer plus sur mon désir d'aider mon prochain. Hein? Est-ce que c'est deux antagonistes? Ben ça va pas tout le temps ensemble, non. Ouais, je comprends. Tu peux aider quelqu'un en tuant quelqu'un, mais c'est la seule raison valable. Bref. Non, mais j'ai été 21 ans dans le métier, je peux t'en parler. J'ai gagné des Thief Awards, des Explosion Awards. Tu sais, j'ai âme de bête. Le mondial de la dynamite. Hey, Chris, deux fois. En 2006 puis en 2007. J'étais en avant de Mike Les Palettes, puis je l'ai battu. On a quand même viré une brosse ensemble. Bon, écoute, tu sais... Je pourrais, tu sais, en plus dans ce temps-là, dans le temps de ma révélation, hein, c'était un esti de révélation, parce que moi, j'étais rendu guitariste dans un band à temps plein, j'avais une blonde. Écoute, pour moi, tuer, c'était rendu un peu un travail alimentaire. Hein. Et c'est en 2009 que j'ai commencé à arrêter. Tranquillement, à mon rythme. Hein. Au début, juste dire merci, là, c'était angoissant. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, là, écoute, je suis capable de déduire que tout le monde, en 2014, s'en calisse du pouvoir de déduction, Tommy. Mais bon, j'en dis pas plus parce que je donne une conférence. Oh! Ouais, pour ceux qui seraient peut-être intéressés là, à venir me voir me branler sur scène. Non, c'est quand? Vrai. C'est quand? C'est vrai. Ça s'appelle... en fait, ça s'appelle « Vidange » ou « Comment réaliser le diable en nous et s'y perdre ». Quoi? C'est ça. Ça dure trois... Ça dure 3 heures. Puis en gros, là, ce que ça dit, hein, c'est que nos rêves sont importants, qu'il faut se faire confiance et d'arrêter d'avoir peur. Hein. Donc, mon nom est n'importe quel entraîneur personnel et mes tarifs sont disponibles sur mon site web. C'est... Ben, en terminant, peut-être juste pour... J'ai écrit un petit poème. Ah ça, j'aime ça quand tu fais puis, ça. Ouais, j'ai écrit un petit poème, puis je voulais te le faire. Je sais pas si tu veux que je te le fasse. Ben écoute... On veut le poème de Mathieu, concentration. Sérieux, là, même si tu voulais pas, je m'en calais, je vais te le faire pareil. Fait que... Manger, m'habiller, fourrer. Trois choses qui m'habitent en vérité. McDo, Nike, Trololo. Trois choses qui m'habitent en songe. La démocratie, je veux être remboursé, jamais on le sera. Voilà. Merci Mathieu. Oh ben, une autre petite tranche de toune, puis on revient à 70%. Attention, mesdames, messieurs, on a notre danseur attitré Chino qui est dans la pièce. Il accepte les billes à l'intérieur de ses sous-vêtements. Gênez-vous pas, c'est Chino, mesdames, messieurs. Selon certaines traditions, il est encore vierge. Venez nous voir au Brouhaha, vous manquez la danse de Chinook, c'est de toute beauté. Qui c'est qui vient de la fierté sous joie? Simon Cussonnet! Qui veut la job à tous les Québécois? Simon Cussonnet! Simon Cussonnet! Simon Cussonnet! Simon Cussonnet! Simon Q? Engagement! Wow. Engagement! Il y a du monde qui le t'aime. Double engagement, j'adore ça. Salut Simon. Salut vieux, ça va? Ben oui, certain. Oui, j'avais hâte en fait qu'on développe. Ouais. Hey, si vous me permettez, en fait, avez-vous remarqué qu'on est tous les collaborateurs de 70% ce soir arborent la moustache de Hitler. Ouais. On a tous la moustache de Hitler. On a d'autres formes de moustache et de poils autour. Ce nonobstant, la moustache de Hitler ne peut être que bien déguisée parmi d'autres poils de visage. Ce soir, 100%. Et cette toto, il l'a un petit peu difficile, par contre. T'as quand même une fente weird. Ouais, va. C'est l'inverse de la moustache de Hitler. Ouais, il y a un inverse, lui. Ben, c'est correct. Et s'il va la liberté là-dessus, Simon Cussonnet, désolé. Pas de problème, ça arrive. Alors, eh ben, en fait, le Comic-Con de Québec, Non, j'ai pas lu les journaux parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. Et j'avais pas que ça à foutre non plus que d'aller directement sur place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à quelqu'un de me parler du Comic-Con de Québec. Et puis j'ai entendu parler d'un militaire qui se balade en civil dans les Comic-Con et qui était Xylo Saguenay. Donc du coup, j'étais au Saguenay, puis je lui ai posé les questions. Je lui ai demandé de quoi. C'est le sergent John Powers de l'armée américaine de la NASA qui était voilà. Donc je suis monté au Saguenay et l'interviewé. Donc imaginez ambiance, on est au Saguenay. Ouais, je l'imagine. Je crois qu'il paraît qu'il y a plein de filles pour un gars. On est au Saguenay, donc ça parle de coupe de cheveux. Là. Donc je vais rajouter du niveau un peu. Je vais rajouter un peu des dimensions à ma chronique pour qu'il y ait des personnages et tout, ça va être plus cool. Puis tu sais, ça va être du 3D comme dans les films de Michael Bay. Moi, Simon, je suis ton meilleur public. Allons-y. Mettons. Donc enregistrement. Là, j'ai mon enregistrement. Clique. Je joue. Hey, la vieille. Je cherche un dénommé sergent Powell. Et c'est dans la lutte au fond! Merci la vieille! Esti de France est mort d'Asti! Ta gueule, vieille peau, je paye tes taxes, salope! Voilà. C'est où cette tente? C'est ma conne, ce pays-là, mais. Ah, voilà. C'est cette tente-là. Allons-y. Bonjour, c'est vous le sergent Powells? Ouais, c'est moi-même. Et vous êtes qui? Je suis Simon Cussonnet et puis je viens vous voir parce que pour me parler du Comic-Con de Québec. Ah ouais? Encore? Vous êtes le cinquième aujourd'hui. Pourquoi vous voulez que je vous parle de ça? Bah, c'est à cause que je fais une chronique pour l'émission 70% de Tommy Godet et de Doute.org. Vous connaissez? Ouais. Ouais, je connais. J'aime bien les chroniques de Toto. Je le trouve beau avec sa moustache nazie et puis sa chemise sale. Vous savez, j'ai servi l'armée américaine, alors la liberté, moi je connais, je suis son plus grand fan. Ouais, par contre, je voudrais pas vous faire chier, mais si vous pouvez me raconter votre souvenir en moins de 6 minutes, parce que la semaine dernière, je me suis fait engueuler par Tommy parce que mes chroniques sont trop longues. C'est vraiment sympa. Ok, j'ai compris. Vous, les journalistes, vous êtes tous les mêmes, vous êtes comme Couillard, vous pompez tout ce que vous pouvez, puis après vous laissez des milliers d'anus béants. Je sais pas trop quoi faire, parce que moi j'ai pas touché à votre anus béant, mais poursuivez, s'il vous plaît. C'était un matin d'automne. Mes compagnons et moi-même, le second de classe Jean-Michel Berthiaume et la caporale Martoun Gris, on se dirigeait vers Québec. À ce qui paraît, Québec, c'est le berceau de la représentation sexuelle des dragons ayant du sexe avec des voitures. C'est ce qui se dit dans les bois, au Saguenay. Une fois arrivé, on s'est dirigé à l'entrée pour choper nos billets. Et puis c'est là, mais... God bless America. J'ai entendu des Français chialer à fond, là. C'est ce qu'on appelle un pléonasme. Français chialer, tu sais. Ouais, nous, les militaires, on est intelligents. Alors, non contents d'envahir notre pays, sous prétexte que le leur est en crise et que leur président est en jello, tu sais. Les voilà maintenant qui pourrissent nos Comic-Con. En se plaignant qu'ils étaient venus exprès au Comic-Con pour voir le défilé de costumes à 16h et que l'accès leur a été refusé parce que c'était complet. Ils disaient que c'était un scandale et que c'était inadmissible de la part des organisateurs de ne pas avoir suggéré ce genre d'erreur qu'on ne fait pas sur un festival de cette envergure. Hé, connard! Excuse que l'événement ait du succès. C'est la première édition, connard! Connard! Entre chez toi, connard! Alors on s'est éloigné de ces trous du cul. Ils rotaient leur sarcasme là, tu sais, leur sarcasme propre à leur culture de merde, et on s'est mélangé aux costumadiers. Ouais, les costumadiers, ouais. C'est le terme francisé de cosplayer par l'Office québécois de la langue française en février 2010. C'est le mélange entre costumade et festivalier. Alors, si tu prends le principe, enculade, au festival de la sodomie, ça s'appelle un enculadier. Un mec qui aime la marmelade, qui s'habille en marmelade pendant le festival à marmelade, c'est un marmelardier, et j'en passe. Bref, ce que j'ai trouvé bien dans cette première Comic-Con de Québec, tu vois, c'est que les trois invités d'honneur, à savoir Peter Mayhew, qui jouait Chewbacca dans Star Wars, Lou Ferrigno, qui jouait Hulk dans la série de 77, et Steven Yeun, aka Glenn dans Walking Dead, et ben ils ont vraiment pris le temps d'apprendre la culture et les us et coutumes du Québec avant de venir, tu vois. Fait qu'au moment de se déplacer, au moment de venir, ils ont mis en application leur savoir en choquant comme des vrais Québécois. Les trois? Putain de guerre, les trois ils ont choqué, mec. Comme des vrais Québécois! Eh, mais t'es pas dans mon souvenir, pourquoi je vous parle? C'est quoi ce problème de dimension et de flashback? Est-ce que vous voyez Chinook, monsieur le militaire? Oui, je le vois, dans mes souvenirs. C'était douloureux. Mais bref, après ma faction, on a été voir le stand-up de Mick Foley, tu sais, le catcher, là. Qu'on aurait pu confondre avec Robin Williams, période Jumanji, parce que putain, il boitait à fond. Puis il avait une grosse barbe. Enfin bref, moi j'y connais rien au catch. T'es, la lutte ou le combat ou le boxe scénarisé, je sais pas, le truc là pète encore, mais... Alors, parce que l'armée est américaine, nous on est des vrais, pas le catch. Alors je rigolais aux vannes quand même, parce que j'étais probablement... Je voulais pas me faire taper par des mecs en speedo, je trouve ça gay. Alors, mon régiment il a dit... Capitaine, on a faim, putain. Alors on a été au resto Snack Bar Saint-Jean, où tu peux réserver une table au 418-522 gras. Et ça c'est vrai, c'est le numéro de téléphone. Et tu peux savourer leur fameuse tarte au sucre bacon. Putain, j'avais vraiment hâte que ce soit fini cette guerre. Et c'est pendant cette pause-là que je me suis fait blesser au foie par le burger rondelle d'oignon, fromage à poutine, frites, steak, fromage et gras. Oh putain mec, on a rampé jusqu'au stand des BD indépendantes là. Putain, on en a chié. Je pissais le gras partout là. J'avais du jaune qui sortait, j'en pouvais plus. Et là, on a été derrière le stand de Copinet Copino. T'es... C'est un crew de fanzines qui font des trucs cool. Ils nous ont fait découvrir leur nouveau numéro. Faut que tu l'achètes, putain, il y a un jeu vidéo trop cool. Et dedans, il y a plein de références à Québec, c'est en 8 bits et tout. Putain, c'est trop génial. Putain. Ils m'ont soigné mon foie en échange du silence. Parce que à la fin de ce jeu-là, t'as une personnalité de Québec. Qui est cette boss finale, tu sais. Alors j'ai fermé ma gueule. Alors j'ai recousu mon foie. Et putain, on a décidé de foutre le camp de cette ville de cul. Alors on a s'effrayé à faire un chemin à travers les elfes. Tu sais, les elfes que Tommy Godet adore tant. Et là, mec... Oh, putain, les elfes, ça c'est comme les Français. Il ferait mieux de rester chez eux, dans leurs arbres, à se rentrer des branches de chêne dans le trou du pipi, au lieu de venir nous polluer la vue avec leurs oreilles poilues, tu sais. Foutu d'elfes. Bouffeurs de salade de merde. Parce que nous, les Américains, on leur a donné la liberté à grands coups de pompe dans le cul, à ces fils de pute d'elfes de merde. Alors du coup, on courait, et puis il a fallu passer la horde de roues qui passait. Parce que depuis quelques années, là, depuis Harry Potter et Rebelle, les roues, ils ont commencé à sortir des caves dans lesquelles ils étaient confinés pour sortir et s'exposer au grand jour. Et c'est pour ça que je suis en filature, mec. C'est pour ça que je suis caché. C'est pour voir l'évolution des roues, parce que eux, comme les ergues, ils évoluent. Et puis, tu sais, ils ont pas d'âme, alors ils ont pas peur de mourir. God bless us, America. Alors du coup... On était à deux doigts de s'échapper quand on a croisé du furry. Du putain de furry. Je déteste le furry, nom de Dieu. Putain. Ces mecs-là qui font passer la zoophilie, peinard, ou du sexe avec des peluches. Je trouve ça horrible. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé une putain de grenade dans leur face de connard. Et j'ai tiré dans les Jessica Rabbit ventripotentes, les Star-Lord au rabais, et tous les orques de merde. Je putais, putain. Et on a pris. Après, on est rentré au parking. Et on est monté dans notre voiture comme une auto et on est parti, putain. Wow, c'est intense, ça. Et après? C'était trop pour moi. Alors, je me suis réfugié parmi les miens. Ceux qui prônent les mêmes valeurs que moi et qui aiment les villes recouvertes de neige. Le Saguenay. Parce que partout là-bas, il y a des panneaux où on dit que la ville est blanche. Et moi, j'adore ça, putain. J'adore la neige. Ce sera tout, vous avez tout à... C'est tout ce que vous avez à rajouter? Ah oui, et dites ça à vos auditeurs. Never trust a furry. Ça, c'est vrai. Ça. De toute beauté. Merci beaucoup, Simon. Ça, c'est un dossier tight. Merci à ton nouveau collaborateur. Pas de problème, quand tu veux. America, America. Très charmant, il sent fort aussi, on aime c'était, ça ici, ouais, ça fait du bien. C'était bon, mais il existe-tu en version originale, le film, tu viens de nous faire, là? Parce qu'il était comme doublé en français, c'était bizarre. Une petite pause musicale, puis on revient à 70%. Ça va être Toto ou Jean-Sébastien, battez-vous, les gars. messieurs, une petite main d'applaudissement pour Chinook. Chinook dans sa maison. Faut respecter Chinook. Paraîtrait que la danse a été inventée autour de Chinook, hein? Comment allez-vous ce soir? Hey! Baisse la musique, Tommy, on va entendre ça. Comment allez-vous ce soir? Ah, c'est super! Bon, ben, je vous ai amené des belles niaiseries des années 80, 1986. Ici, on a The Cure. Très bonne année, 1986. Ouais, un bon cru, comparativement à 88, je trouve que celle-là, il y a plus de stock. Ouais, ouais. Enfin, encore une fois, on le rappelle, là, c'est comme ta chronique des sextos de 30 ans. Là. Des spotted, c'est très, très drôle. Ouais, c'est... Alors, ça vieillit mal, maintenant. C'est ça. Alors, on commence avec quelqu'un qui n'a pas identifié... Non, José Masson, OK. Salut King, Annie Roy. Ça fait pas longtemps que je te connais, mais tes jokes, entre parenthèses, plates, sont tordantes. Pis toi, Karina, tu n'as pas un mot à dire, entre parenthèses, joke. J'ai bien du fun avec vous autres. Gardez votre sourire, José Masson, tu peux faire le message, s'il vous plaît. OK, fait que c'était même pas José Masson, c'est compliqué. C'est weird. Mais puis en plus, elle prenait le temps de rajouter qu'il y avait du sarcasme d'inclus à certains endroits de son billet. Elle envoie un message pour que quelqu'un d'autre le renvoie, un relais, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un code que les factions indépendantistes, moi, je pense que oui, souverainistes radicales, hein, Jean-Philippe, tu t'es codé quelque chose là-dedans? Oui. Ah, c'est ce qu'on voulait entendre. Non, mais chut! On essaie encore du même tactique vieille de 30 ans, s'il te plaît. Peux-tu? Proche. Pour en parler le moins possible. Oui, s'il te plaît, c'est merci. Encore en cours. Ça va déjà assez mal dans le mouvement, ta gueule. Numéro 2. Salut! J'aimerais correspondre avec des gars et des filles entre 10 et 13 ans. J'ai 10 ans et je suis capoté! J'aime Corey Hart, Madonna, Bryan Adams, Thompson Twins, Sheena Easton, Whitney Houston, Falco Hobb, Kate Bush, Sheila E., Eurythmics, Stevie Nicks, In the Box. Et me faire fister! Dans le box, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? La photo de cette personne-là ressemble à la photo de Cédrica qui avait été mise partout dans les mains. Voilà, c'est tout. On va la mettre sur le site, ça va mettre tout le monde à l'aise. Alors, finissons avec ma joke aussi. Hein? Ouais, ouais. Elle dit, j'aime la danse, écrivez-moi vite, Cathy Morissette. Ça ressemble à un petit gars, là, mais bon... ouais, non, hein, mais ça. Cathy est mon genre. Ouais, ben, tu vas voir, il y en a une pas mal plus à ton genre que ça en vient. Ben, Cathy a 27 ans aujourd'hui. Fait que... Peut-être plus même. Ouais, à peu près ça, ouais. Et les félins, je m'appelle Panthère. Et ce n'est pas pour rien. J'aimerais correspondre avec des gars entre 16 et 25 ans. Moi, j'en ai 16. Ne vous fiez pas trop à la photo, car elle date de février 84. Ça fait juste 2 ans, là. C'est pas la fin du monde. Là. Ouais, mais si t'as 16, t'avais 14. Ouais, ouais c'est là. Vrai. C'est un ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a plus de. Elle a de l'air de 18 ans. Ouais, c'est on ça. On s'entend. Ensuite, elle dit. Donc, j'ai beaucoup changé. Si vous voulez m'apprivoiser, il faut m'écrire à Mylène Bédard de Roberval. Ensuite. Hey, Roberval, c'est pas gros, là. Fait que la panthère. Ben c'est la panthère de Roberval. La panthère de Roberval. C'est les chiens de Baskerville puis la panthère de Roberval. Moi, j'ai déjà acheté du pot à un gars qui se faisait appeler Tarantule à Val-d'Or. Oh! Tarantule. Il y avait un bomber, là, c'était en 98. Là. On était si jeunes, on était si fous. Numéro 4. Hey, les filles! J'ai 15 ans. Très sympathique, dit-on. Et peut-être romantique aussi. Hey, le gars, il est vendeur. Hein? Il est pas trop vendeur, je pense. Il doit pas pogner bien gros. J'aime tous les sports et même les plaisirs de la vie. Je suis et un amateur. Même ça! Ouais. S'il y a rien de moins, là. Je suis un amateur de party. Chris, hein? J'aime la mode! C'est un champion, lui. C'est j'aime un winner. Respirer, j'aime vivre la mode, vie. Envoyez-moi votre photo. Je vous attends. Christian Grenier de Thetford Mines. Il y a un gars qui a pas peur de dire qu'il aime la mode, quand même. C'est ouais, vrai. En tout cas, il a de l'air pas mal poil, le gars, on va te dire, pour triper sa mode. Là. Ces années-là, écoute, hein, tu te rappelles, là, de dos, tout le monde était pareil. Là. Ouais. Numéro 5. Salut, la gang de Capoté! Puis c'est pas Julien. Encore! C'est pas Julien, c'est ça, pas là. Julien. Salut, la gang de Capoté! Je suis une fille de 14 ans qui aime sortir les fins de semaine. Jusqu'à tard le soir et qui aime fêter. Je suis à la recherche des beaux gars pour correspondre. Toujours. Hein? Si tu as entre 14 et 18 ans et que tu aimes et capotes sur Motley Crue, Bon Jovi, Rat, Wasp, etc. J'aime aussi Corey Hart, AA, Platinum Blonde. En tout cas, ceux qui sont à la mode. Oh, on a un invité. Ah oui, hein, on a Alan Smithy qui danse avec Chinook. C'est quand même... J'espère que ça va être immortalisé. C'est grosse dose de malaise, ce soir live au brouhaha. Ben oui, moi, si j'étais pas bandé, je le serais là. Non. La fille a fini avec « J'aime la mode flyer. Si vous voulez m'envoyer votre photo, ça serait encore mieux. Salut, Marlène Deveau. » Bon, on va passer tout de suite à l'autre. Moi je veux qu'il y ait quelqu'un qui se reconnaisse à me mener dans ça. C'est j'espère beaucoup un jour. J'aimerais taguer ça sur Facebook quand que. Ça serait génial. Ça serait génial. Je suis une fille de 12 ans. J'ai les cheveux blonds et les yeux bruns. J'essaie d'être rockeuse. C'est pas facile d'être rockeur. Mais avec mes lunettes, c'est un gros zéro. Je cherche des correspondants de 12 à 15 ans. J'aime Bryan Adams, Paul Young, Sting et plusieurs autres. Qu'est-ce qu'il y a de rockers dans ça? Ouais, il y a rien de rock là-dedans. Là. J'enverrai une photo. Ah, vas-y, t'as... J'essaie d'être rockers, mais je sais pas comment, finalement. C'est ça qu'elle essaie de dire. C'est parce que France d'amour, elle n'existait pas encore, ça, Gary. Ah, Marie-Carmen non plus. J'enverrai une photo à ceux qui m'enverront la leur. Lucie Fortin de Trois-Rivières. Ensuite... C'est assez. Ah, il y en a vraiment bon. Le 7, c'est vraiment le meilleur. Je l'ai gardé pour la fin. Est-ce qu'on veut l'avoir, ça? Est-ce que vous le voulez, numéro 7? Ben ouais! Ouais! Rapidement! Salut! Moi, je m'adresse à une certaine catégorie de gens. Je n'ai pas vu souvent de demandes de ce genre, mais tout de même, voici. J'aimerais correspondre avec des gens qui trippent sur la musique alternative. Allô, il a pas lu le magazine, lui. Check bien ça, la liste. J'aime beaucoup The Cure, le vieux Tears for Fears, mais aussi U2, Depeche Mode et beaucoup d'autres. J'ai 18 ans et j'aimerais correspondre avec des jeunes qui aiment la musique et la vie. T'sais, parce que ceux qui sont morts, ils répondront pas. Non, ouais. Je promets de répondre à toutes les lettres et ce n'est pas une promesse en l'air. À très bientôt, j'espère, Nathalie Picard de Saint-Bruno. On salue encore une fois les gens de Saint-Bruno, 2 semaines en ligne. C'est vrai. Ça passe quelque chose en 86 à Saint-Bruno. Un héros fertile. Et à soir, on a salué. C'est bizarre que, tu sais, genre, elle parle de musique alternative bien spécifique, tu sais, que ça arrive pas souvent, mais c'était toutes les mêmes bandes qu'on entend, toutes les chroniques. Je savais pas qu'on pouvait aimer la vie et The Cure en même temps. C'était l'époque aussi que alternative, ce n'était pas synonyme de Nirvana. Genre, non. C'était avant, là. C'était YouTube. Whatever. Ça, c'est ta tune de ce soir? Ben oui, c'est du DAF. C'est Der Ruber und der Prinz, qui veut dire le prince et le voleur. C'est une genre de comptine assez étrange. On l'écoute. Bon, ben, je cherchais quelque chose en Italie ou en Allemagne qui fitait avec l'Halloween. Visuellement, les clips de Der Plan ou Marie Deutschland auraient fité pas mal plus, mais pas auditivement. Fait que j'ai opté pour quelque chose de naïf et enfantin, mais qui sonne terrorisant, comme un cauchemar. J'en ai déjà parlé en plus brièvement. Alors, tel que promise, je vous ai ramené du Deutsch Amerikanisch Freundschaft, DAF pour les intimes, avec leur chanson Der Ruber und der Prinz, Le Prince et le Voleur, une genre de comptine pour enfants qui est très weird. La vidéo de ça, c'est très déroutant. Il y a un filtre flou, comme dans une scène de rêve. Gabby et Robert, les gars de DAF, sont dans une maison format enfant, remplie de poupées de porcelaine de l'ère victorienne, des automatons, pour ceux qui savent pas c'est quoi, bref, c'est des espèces de robots mécaniques de l'ancien temps. C'est ça, peut-être plus que jamais, il va falloir mettre le clip sur la page Facebook. Ça, c'est des automatons de singes, de clowns, de poupées. C'est très creepy comme visuel en plus. En passant, Tommy, ils viennent de où, DAF? Ils viennent d'Allemagne? Non, ils viennent de où en Allemagne? Come on, tu l'as dit 150 fois pendant la chronique de DAF. Düsseldorf! Düsseldorf! Düsseldorf! Excuse! Fait que, en tout cas, pour finir, d'ailleurs, mes recherches dans le monde de la NDW, la Neudeutsche Welle, ça remonte à janvier dernier. Ça a commencé avec mon intérêt pour DAF. Je me suis aperçu à ce moment-là qu'il faisait partie de ce mouvement-là très large de la Neudeutsche Welle. Puis, c'est divisé en deux. Il y a le Main Street Pop, parfois Schlager, comme on a parlé il y a deux semaines, ou Kitsch, avec des artistes connus internationalement dans les années 80, tels que Falco, Nina et Trio de Dadada. Côté underground, c'est DAF, Die Krups, des groupes punk expérimentaux, industriels, moins connus, même chez eux. Anyway, tu vas mettre ta recherche, le sujet de ta recherche, sur le site Facebook de 70%. En fait, t'es le meilleur pour nous amener à aller voir ça, tout le monde. Allez pas trop loin, tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, c'est un plaisir à chaque fois. USA, America.